Anomalie, cachée chez l'ennui, il pas vrai. Madame Ali, cachée chez l'ennui, il pas vrai. Madame Ali, cachée chez l'ennui, il pas vrai. Pas vrai, on l'a serré. Pas vrai, il te recèle. Pas vrai, en plein l'ennui, nous l'assemblons. Et nous, pas vrai, on l'a serré. Pas vrai, il te recèle. Pas vrai, en plein l'ennui, nous l'assemblons. Là où les laissés même ma gueule. Où carré toi, y caille. Mais c'est ça, y qu'à penser. C'est aller. L'ennui n'est pas vrai. Madame Ali, cachée chez.